Chapitre 21e, l'enlèvement de Geneviève. Dans la rue, l'illustre Perpignan, tête basse, déconfit, tremblant, dit à son épouse « Nous sommes perdus, cet homme nous tient. Il est évident que nous ne pouvons maintenant compter reprendre de plein gré notre chiffon. Il faut agir non par violence, mais par ruse. Une fois que nous aurons Geneviève, nous la conduirons chez son père, chez Cloutot. Cloutot étant le comte de Sarrion, que peut contre le père de Paulette, le vieux braconnier. » L'illustre Perpignan reprit confiance. « Tu as peut-être raison. »« Absolument. Une fois que le comte de Saint-Rion aura sa fille, qu'il produira ses papiers, les actes justifiant de son identité, Madeleine Marnier s'inclinera, et ni l'avocat Thirion, ni le président Duranton ne pourront rien contre nous. » L'illustre Perpignan se sentit par cette perspective tout ragaillardi. « Mais, dit la belle bourbonnaise, pour cela, il faut rendre Paulette à son père. Pour cela, il faut... avant que le père Gervais pût la garantir ou prévenir qui que ce soit, enlever la jeune fille et la conduire chez Cloutot. Hâtons-nous. » Ils montèrent dans une auto dont les ressorts gémirent lamentablement, et ils donnèrent l'adresse du magasin où Geneviève travaillait. « Allons à tout hasard, » dit la belle bourbonnaise, « acheter un flacon de chloroforme. » Ils entrèrent chez un pharmacien qui leur en délivra un peu pour calmer les rages de dents de la belle bourbonnaise. « Mademoiselle Geneviève, » dit-on à la jeune fille à l'atelier, « quelqu'un vous demande au petit salon d'essayage. » Geneviève s'y rendit, croyant avoir affaire à une cliente. Ce fut un homme grand, revêtu d'une immense redingote, tout rasé, qu'elle aperçut. Geneviève n'avait vu l'illustre Perpignan que dans des vêtements sordides et le visage caché sous une barbe épaisse, hirsute, sale. Elle ne put le reconnaître, d'autant plus que Bouche-en-Cœur, très adroitement, se maintint à contre-jour. « Vous êtes bien mademoiselle Geneviève ?» dit Perpignan. « La petite fille du père Gervais ?»« Oui, monsieur. »« Ah, mademoiselle, je suis chargée. Soyez forte. Un peu de courage. » Geneviève, toute angoissée, s'écria. « Ah, mon Dieu, qu'y a-t-il ? Que venez-vous m'apprendre ? Mon grand-père, il est arrivé malheur à mon grand-père. » »« Non, mais je viens précisément vous prévenir pour que vous ne vous alarmiez pas. Je viens vous chercher pour vous conduire auprès de votre grand-père. Il est mort. » »« C'est lui qui vous réclame. Lui-même... qui m'a donné votre adresse. Je vous l'ai dit, un accident, seulement blessé. » « Oh, monsieur, vite, vite, allons. Vous ne me dites peut-être pas toute la vérité. Oh, mon grand-père, mon pauvre grand-père. Oh, allons vite le retrouver. » Alors, les yeux pleins de larmes, pouvant encore moins voir et par là reconnaître le misérable qui lui parlait, Geneviève, ne pensant pas qu'on pût lui mentir sur un tel sujet, la tromper, l'entraîner dans un piège odieux, suivit le misérable. « J'ai une voiture en bas, » lui dit l'illustre Perpignan. « Ma femme vous attend. C'est une de vos clientes. Elle saura mieux que moi vous réconforter et vous rassurer. » Peu après, Geneviève se trouvait devant la voiture dont l'illustre Perpignan ouvrit la portière. « Mon enfant, ma chère enfant, » lui dit la belle bourbonnaise, « du courage. Tout espoir n'est pas perdu. On sauvera certainement votre grand-père. Ah, madame, quel malheur. Mais dites-moi, qu'est-il arrivé? Dites-moi la vérité. » Mon grand-père n'est pas mort, n'est-ce pas? Il vit, je le retrouverai vivant. » Bouche-en-Cœur, sous prétexte d'aider la jeune fille à monter, la tenait de telle sorte qu'elle ne pouvait fuir et la poussait dans la voiture. Il avait donné l'adresse au chauffeur. Lui, il entra dans l'auto et se logea comme il put. Geneviève se trouva ainsi prise, comme écrasée entre les deux misérables. Mais à ce moment, Geneviève put regarder la bonne dame qui lui parlait. Elle la reconnut. « Grand-mère ! » s'écria-t-elle avec effroi, « grand-mère !» Et reconnaissant aussitôt le banquiste, « Perpignan, Bouche-en-Cœur !» Alors elle se débattit, elle voulut crier, « À moi, au secours !» Mais l'illustre Perpignan lui tenait les mains, et sur sa bouche, vivement, la belle bourbonnaise appuya un mouchoir imbibé de chloroforme. Geneviève se débattit pendant quelques secondes, puis elle demeura inerte, vaincue par ce narcotique puissant. Ce fut comme un cadavre aux mains de ces misérables. Peu après, Bouche-en-Cœur la montait dans ses bras, endormie comme une enfant malade, et la déposait sur le canapé du salon de Cloutot. « Monsieur le comte, » dit-il théâtralement, « j'ai tenu ma parole. Voici Paulette, la fille de Madeleine Marnier et du comte Armand de Saint-Rion. »